الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On continue la lecture du livre قصص الأنبياء، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: قصة الخضر مع موسى، ومحلها في أثناء قصص موسى. Ensuite, الشيخ السعدي رحمه الله entame l'histoire de Al-Khadir avec Moussa. Et le moment de cette histoire dans l'histoire de Moussa alayhi salam. قال رحمه الله: وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام قام ذات يوم في بني إسرائيل مقاما عظيما علمهم فيه علوما جمة وأعجب الناس بكمال علمه، فقال له قائل: يا نبي الله، هل يوجد أو هل تعلم في الأرض أحدا أعلم منك؟ فقال: لا، بناء على ما يعرفه وترغيبا لهم في الأخذ عنه. فأخبره الله أن له عبدا في مجمع البحرين عنده علوم ليست عند موسى وإلهامات خارجة عن الطور المعهود، فاشتاق موسى إلى لقيه رغبة في الازدياد من العلم، فطلب من الله أن يأذن له في ذلك وأخبره بموضعه، وتزود حوتا، وقيل له: إذا فقدت الحوت فهو في ذلك المكان، فذهب فوجده، وكان ما قص الله من نبئهما في سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Donc l'histoire de Khadir avec Moussa عليه السلام. Lorsque Moussa se leva parmi son peuple, le peuple des fils d'Israël, il leur a enseigné de nombreuses sciences. Et les gens étaient étonnés de cette science qu'avait Moussa alayhi salam. Un homme lui dit: ô envoyé d'Allah, ô prophète d'Allah, y a-t-il ou connais-tu sur terre une personne qui a plus de science que toi? Moussa alayhi salam répondit: non. Il a répondu selon ce qu'il savait. Et il a répondu également pour encourager les gens à prendre de lui. Puis Allah Azzawajal informa Moussa alayhi salam qu'il a un serviteur dans le confluent des deux mers, dans l'endroit où se réunissent deux mers. Un homme qui détient des sciences que Moussa n'a pas et qui a des inspirations qui sortent de l'ordinaire. Moussa alayhi salam a eu envie de rencontrer cet homme afin d'apprendre plus, et il a demandé à Allah azza wa jal la permission dans cela. Allah azza wa jal lui informa de l'endroit où se trouvait cet homme. Moussa alayhi salam et l'homme qui l'accompagnait et son servant ont pris comme provision un poisson dans leur voyage. Et il a été dit à Moussa: lorsque tu perdras ce poisson, alors sache que l'homme se trouvera à cet endroit. Moussa alayhi salam partit, il trouva effectivement cet homme et advenu ce qu'Allah Azza wa Jal a raconté dans l'histoire de Moussa et de Al-Khadir dans Sourate Al-Kahf, des versets 60 au verset 82, que l'on va lire, inshallah ta'ala, afin que l'on puisse comprendre les morales et les bénéfices qui découlent de cette histoire. Donc cette histoire entre Al-Khadir et Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jalla cite dans Sourate Al-Kahf, dans les versets 60 à 82.

Puis, lorsqu'ils eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson qui prit alors librement son chemin dans la mer. Puis, lorsqu'ils eurent dépassé cet endroit, il dit à son valet, « Apporte-nous notre déjeuner. Nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. » Le valet lui dit, « Quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Seul le diable a pu m'empêcher d'y penser, et il a curieusement pris son chemin dans la mer. » Moussa dit, « Voilà ce que nous cherchions. » Puis ils retournèrent sur leurs pas en suivant leurs traces. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs Al-Khadir. Entre parenthèses, Al-Khadir. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Moussa lui dit, « Puis-je te suivre à condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction ?» Al-Khadir dit, « Vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Et comment pourrais-tu endurer des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance ?» Moussa lui dit, « Si Allah veut, tu me trouveras patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. » Al-Khadir dit, « Si tu me suis, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention. » Alors les deux partirent. Et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moussa lui dit, « Est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché ? Tu as commis, certes, une chose monstrueuse. » Al-Khadir répondit, « N'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie ?» Moussa dit, « Ne t'en prends pas à moi pour un oubli de ma part et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. » Puis ils repartirent. Et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moussa lui dit, « As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne ? Tu as commis, certes, une chose affreuse. » Al-Khadir lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie ? Si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moussa, alors ne me laisse plus t'accompagner. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. » Ils repartirent. Et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moussa lui dit, « Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. » Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit Al-Khadir. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau en bon état. Quant au garçon, son père et sa mère étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne les entraînât dans la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur seigneur leur accordât en échange un autre, c'est-à-dire un autre enfant, plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor leur appartenant, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu qu'ils atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer. Donc ceci est l'histoire de Moussa et de Al-Khadir relatée par Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Kahf. قال الشيخ السعدي رحمه الله وفي هذه القصة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير ننبه على بعضه بعون الله ونذكر المهم منه. Il dit, rahimahullah, il y a dans cette histoire de nombreuses morales, de nombreux jugements et de nombreux bénéfices. Nous allons, par la volonté et par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, citer les plus importantes. فمنها ما اشتملت عليه القصة من فضيلة العلم وشرفه ومشروعية الرحلة في طلبه وأنه أهم الأمور، فإن موسى رحل في طلبه مسافة طويلة ولقي في ذلك النصب، وترك الإقامة عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. On retient de cette histoire tout d'abord le mérite de la science et l'honneur de la science, et qu'il est légiféré de voyager pour apprendre la science, et que c'est une chose qui est extrêmement importante. Car Moussa alayhi salam a parcouru une longue distance, un voyage dans lequel il a rencontré beaucoup de fatigue. Il a délaissé sa résidence auprès des fils d'Israël lorsqu'il leur enseignait la religion d'Allah et lorsqu'il les orientait. Il a préféré le fait de voyager et accroître sa science à tout cela. ومنها البداءة في العلم بالأهم فالأهم، فإن زيادة علم الإنسان بنفسه أهم من ترك ذلك اشتغالا بالتعليم فقط، بل يتعلم ليعلم. On retient également de cette histoire le fait de commencer par apprendre les choses les plus importantes et ainsi de suite. Car d'accroître sa science est meilleur que de se contenter à enseigner uniquement. L'on apprend, au contraire, l'être humain, le musulman, se doit d'apprendre pour enseigner. وَمِنْهَا جَوَازُ أَخْدِ الْخَادِمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ لِكِفَيَةِ الْمُؤْنِ وَطَلَبِ الرَّاحَةِ كَمَا فَعَلَ مُوسَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. On retient également de cette histoire l'autorisation de prendre un servant avec soi, quelqu'un qui est à notre service, dans le voyage ou en résidence, afin de s'occuper des provisions et afin d'avoir une certaine tranquillité, comme l'a fait Moussa alayhi salam. Car Moussa n'a pas voyagé seul. ومنها أن المسافر بطلب العلم أو الجهاد أو غيرهما من أسفار الطاعة، بل وكذلك غيرهما إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وإن مراده فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره من فوائد الاستعداد له عدته، وإتيان الأمر على بصيرة، الإعلان بالترغيب لهذه العبادة الفاضلة لقول موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ولما غزا صلى الله عليه وسلم تبوك أخبر الناس بمقصده، مع أنه كان في الغالب إذا أراد غزوة ورى بغيرها تبعا للمصلحة في الحالتين. On retient également de cette histoire que celui qui voyage dans l'apprentissage de la science ou dans le combat dans le sentier d'Allah ou autre, parmi les voyages d'obéissance à Allah Azza wa Jal, même de façon générale, autre que ces deux types de voyages cités, que lorsque il y a un bénéfice d'informer de ce voyage. D'informer du voyage est meilleur que de le garder secret, lorsqu'il y a dans cela un bénéfice. Parmi les bénéfices de parler d'un projet, d'un voyage et d'informer d'un voyage qu'on veut entreprendre, parmi les bénéfices de bien s'y préparer. Car si tu informes des personnes, il suffit que des personnes soient parties dans ta même destination et donc vont te donner des conseils. Dire voilà, attention, si tu vas dans tel pays, prends avec toi telle et telle chose, car je suis déjà parti. Et il m'est arrivé telle et telle chose. Donc, le fait d'informer d'un voyage qu'on entreprend permet, parmi les bénéfices de cela, permet de bien le préparer. Également, de faire la chose en toute clairvoyance. D'entreprendre ce voyage en toute clairvoyance. Et lorsqu'il s'agit d'un voyage d'adoration, eh bien, en informant de ce voyage, tu vas encourager autre que toi. En informant que tu voyages pour faire la hijra, que tu voyages pour apprendre la science, eh bien, le fait que tu en informes va encourager et va motiver d'autres personnes à suivre ton exemple. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a entamé l'expédition de Tabouk, il a informé aux gens de son intention, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que d'habitude, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entreprenait une bataille, il faisait croire autre chose. Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voulait attaquer Tabouk. Et il a informé les gens qu'il allait attaquer Tabouk. Or, d'habitude, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait attaquer une région, il partait, il quittait Médine du chemin inverse. S'il devait attaquer une région qui était dans le nord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quittait Médine par le sud. D'accord ? C'était une forme de ruse. Et ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informait ou non selon les bénéfices et selon le bénéfice des différentes situations. ومنها إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان وكذلك النقص لقول فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. Également, on retient de cette histoire le fait d'attribuer le mal et les causes du mal au diable, et également le manquement. Et ceci est tiré de la parole du servant de Moussa lorsqu'il dit « وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ » Le diable seul m'a fait oublier de le rappeler. En parlant du poisson. Du poisson qu'ils ont oublié lors de leur arrêt. وَمِنْهَا جَوَازُ إِخْبَارِ الْإِنسَانِ عَمَّ يَجِدُهُ مِمَّا هُوَ مُقْتَضَى الطَّبِيعَةِ الْبَشَرِيَّةِ مِنْ نَصَبٍ أَوْ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ إذ لم يكن على وجه التسخط وكان صدقا لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Également, on retient de cette histoire qu'il est autorisé à l'être humain d'informer de ce qu'il a ressenti faisant partie de la nature humaine comme fatigue, faim ou soif, lorsqu'il cite cela non pas pour montrer son désaccord et lorsque cela est véridique. Car Moussa alayhi salam a dit « Nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. » Cela fait partie de la nature humaine et Moussa alayhi salam n'a pas dit cela pour se plaindre ou pour montrer son mécontentement. « وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَتَّخِذَ الْإِنسَانُ خَادِمًا » ذكيا فطنا كيسا ليتم له امره الذي يريد. On retient également de cette histoire qu'il est demandé pour celui qui a besoin d'un servant ou de quelqu'un à son service de choisir une personne intelligente, éveillée, habile afin qu'elle puisse remplir la mission qui lui sera donnée. ومنها استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا لأن ظاهر قوله تعالى آتنا غداءنا أنه للجميع. Également, on retient de cette histoire qu'il est recommandé à l'homme de manger, de nourrir son servant par la nourriture qu'il mange et de manger ensemble, car c'est ce qui apparaît de la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il parle de Moussa alayhi salam, atina rada'ana, atina rada'ana, apporte-nous notre déjeuner, Apporte-nous notre déjeuner. Ici, Moussa alayhi salam faisait allusion à au poisson que Moussa et son servant allaient manger ensemble. Ils allaient manger ce même poisson et ils allaient le manger ensemble. ومنها أن المعونة تنزل على العبد بحسب قيامه بالأمر الشرعي وأن ما وافق رضا الله يعان عليه ما لا يعان على غيره لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين وأما الأول فلم يشتك منه مع طوله. On retient également de cette histoire que l'aide d'Allah Azzawajal descend sur le serviteur selon son obéissance au commandement religieux. Et que celui qui fait une chose agréée par Allah Azzawajal, Allah l'aidera plus qu'il n'aide, Allah l'aidera plus qu'une autre personne. Et cela est déduit de la parole d'Allah Azzawajal lorsqu'il parle de Moussa, لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. Nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. مِنْ سَفَرِنَا هَذَا. Et ici, Moussa alayhi salam parle de quel voyage? Lorsqu'il a dit cette parole, Moussa alayhi salam, est-ce qu'il avait déjà dépassé le confluent des deux mers ou non? Oui, il avait déjà dépassé le confluent des deux mers. Donc après le confluent des deux mers, ils ont continué leur voyage. Et c'est après ce second voyage que Moussa alayhi salam a dit: nous avons rencontré une fatigue dans notre présent voyage, et c'est là où il demande à son servant de lui servir le déjeuner, de servir le déjeuner. Ici, Moussa alayhi salam s'est plaint de fatigue suite au second voyage. Or, il ne s'est pas plaint de la fatigue du premier voyage qui était bien plus long, entre l'endroit où il est parti jusqu'au confluent des deux mers. Et cela prouve, comme le Cheikh Hussain a dit, qu'Allah Azzawajal aide ses serviteurs et leur accorde une aide qui est bien plus grande que celui qui entreprend une chose dans laquelle il n'y a pas la satisfaction d'Allah. Ici, Moussa alayhi salam a entrepris un voyage dans lequel il veut apprendre plus et accroître sa science. C'est une chose, c'est une adoration et c'est une chose qu'Allah Azzawajal agrée et accepte. Et donc, Allah Azzawajal a aidé son serviteur Moussa à accomplir ce voyage long sans en éprouver de fatigue. ومنها أن ذلك العبد الذي لقيه ليس نبيا بل هو عبد صالح عالم ملهم لأن الله ذكره بالعلم والعبودية الخاصة والأوصاف الجميلة ولم يذكر معها أنه نبي أو رسول. وأما قوله في آخر القصة وما فعلته عن أمري فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث، وذلك يكون لغير الأنبياء. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. وقال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى. Le retien de cette histoire que ce serviteur d'Allah Azzawajal qu'a rencontré Moussa alayhi salam, à savoir Al-Khadir, n'est pas un prophète, mais c'est un serviteur vertueux, savant, qui bénéficie des inspirations divines. Car Allah Azzawajal l'a cité par la science et l'adoration, et par d'autres éloges. Mais Allah Azzawajal, dans aucun endroit, ne l'a cité ou ne l'a considéré, c'est-à-dire Al-Khadir, comme étant un prophète ou un envoyé. Quant à la parole de l'Khadir, à la fin de l'histoire, « وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي » dans le verset 82, le dernier verset de cette histoire, « Je ne l'ai pas fait de mon propre chef. » Tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait de son propre chef. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui lui a ordonné de le faire. Et c'est là où il y a la divergence des savants sur Al-Khadir. Est-il un prophète ou non ? Certains disent oui, d'autres disent non. Ceux qui disent oui ont pour preuve cette parole de Al-Khadir, qu'il n'a pas fait cela par de son propre chef, mais que c'est Allah Azza wa Jal qui lui a ordonné de le faire. Et donc cela prouve que c'est un prophète. Et d'autres savants, comme Cheikh Sa'di rahimahullah, disent que Al-Khadir est un homme pieux, un homme savant, un homme qui bénéficiait des inspirations divines d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il ne faisait pas partie, qu'il n'était ni un prophète ni un envoyé. Et il répond justement à Cheikh Sa'di à cela. Il dit, quant à la parole de Al-Khadir, à la fin de l'histoire, je ne l'ai pas fait de mon propre chef. Cela ne prouve pas que c'est un prophète, mais cela prouve qu'il a perçu des inspirations d'Allah Azza wa Jal. Al-Ilham. Et qui parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam était Mulham? Qui? Omar radiyallahu anhu. Omar radiyallahu anhu, lorsqu'il était calife, il avait envoyé une armée au Sham. Il leur a dit Al-Jabal, Al-Jabal. Attention à la montagne, attention à la montagne, car l'ennemi venait de derrière la montagne, alors que lui était à Médine. Et la preuve que cite Cheikh Sa'di rahimahullah, il dit وَذَلِكَ يَكُونُ لِغَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ, que ces inspirations peuvent en bénéficier autres que les prophètes. Allah Azza wa Jal dit وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, ton Seigneur a révélé aux abeilles. Donc les abeilles perçoivent aussi des inspirations. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ, et nous avons révélé à la mère de Moussa de l'allaiter. Est-ce que la mère de Moussa était un prophète ou un envoyé? Non. ومنها أن العلم الذي يعلمه الله للعبد نوعان, علم مكتسب يدركه العبد بطلبه وجده, وعلم إلهي يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله وعلمناه من لدنا علما, فالخضر أعطي من هذا النوع الحظ الأوفر. الحظ الأوفر. L'on retient également, et on terminera par cela aujourd'hui, on retient également que la science qu'Allah Azza wa Jal enseigne à son serviteur est de deux sortes. Il y a la science acquise que le serviteur obtient par la recherche et la demande de cette science et par son sérieux et sa motivation. Et l'autre type de science, qui est la science divine, qu'Allah Azza wa Jal accorde à ceux qu'il comble parmi ses serviteurs. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, en parlant de l'Khadir, « وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا » à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Une science émanant de nous, ainsi Al-Khadir et Al-Khadir faisaient partie de ceux qui ont reçu une grande partie de cette science divine. Wa naktafi bihadha al-qadr wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum.